coussins et une guitare à 5 heures du matin. C'est tout ce qui me reste de cette fête. Le bois dans la cheminée n'en finit pas de se consumer. C'est tout ce qui me reste de cette fête. Et puis tu n'es pas parti. Tu m'as parlé de ta vie, de tes enfants, de ton ennui, de ton mari. De gros câlins, un peu partout des bouteilles de vin. C'est tout ce qui me reste de cette fête. Le feu depuis longtemps est mort. Il fait un peu froid dehors. Il est grand temps de rentrer, de se coucher. Le chat des coussins et une guitare à 5 heures du matin. C'est tout ce qui me reste de cette fête.